Bienvenue tout le monde sur la POC. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine pour parler de son équipe, son club, ses amours. On a Jean-Philippe Vandal. Salut tout le monde. Hey, salut JP. Salut JP. Va t'appeler Vandal parce que non, je t'appelle bon, tout le temps Vandal à l'écrit. Vandal, c'est simple. C'est un classique. Oui, non, c'est ça. Et les gens ont certainement vu sur le nom de l'épisode qu'on va parler des Jets de Winnipeg. En premier lieu, Vandal, va falloir que tu m'expliques, puis que tu expliques au monde. Moi, j'ai une petite idée là, de pourquoi, mais que tu expliques comment ça se fait que toi, ton club, c'est les Jets de Winnipeg. Ben, ça a commencé dans les années 90, en fait. Je ne sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, je tombais en amour avec Timu Selänne. Fait que je suivais déjà les Jets dans ce temps-là. Ils jouaient à Dokkunt, des arénas. Ah, plus! C'était cool, là! Fait que ça a commencé de même, puis après ça, quand ils sont venus dans la Ligue nationale, c'est sûr que je trippais au bout. Puis en plus, ça a donné avec ma blonde qu'on a déménagé à Winnipeg. Fait que j'ai resté là pendant 3 ans et demi. Fait que là, j'ai vraiment suivi le club. J'avais même des billets de saison cette année. Wow! Des billets de saison. T'es capable d'avoir ça? Parce que quand il y a eu l'annonce de leur retour... ça s'est vendu super vite, il y avait des listes d'attente, puis toi, t'es capable d'en avoir? Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai un ami qui m'a donné ses billets de saison. Sinon, j'étais sur la liste d'attente pour avoir les billets de saison. J'étais à 2500e sur la liste d'attente pour avoir une paire de billets. Puis ça baisse d'environ 20 par année. OK. Là, avec la saison qu'ils ont, d'après moi, ils perdront pas grand monde cette année. Non, hein? Non. Et écoute, tant qu'à... Parce que étais-tu là-bas à Winnipeg à leur retour? Non, je suis arrivé juste un petit, l'année d'après. OK. Mais quand même, on va pouvoir adresser la situation. Comment ça s'est fait l'évolution? Parce qu'on s'entend, ils n'ont pas ramassé un gros club. Là. Non, à Atlanta, ça allait pas tant bien, mais le monde était tellement. Ça faisait 7 ans qu'ils attendaient. Ils avaient bâti leur aréna, un peu comme un parallèle avec Québec. Ils ont bâti l'aréna avant d'avoir l'équipe. Ça faisait 7 ans qu'ils l'attendaient. Il n'y avait pas de projet d'expansion, d'affaires comme ça. Eux, ils savaient que ça allait être quand une équipe allait décider de déménager, c'était à eux autres pas mal parce que tout était prêt. Puis c'est ça qui est arrivé. Atlanta était supposé de commencer. Les horaires étaient faits, tout était fait avec Atlanta. Puis une journée, ils ont fait, bon, ben finalement, on n'est pas capable de faire marcher le club. Puis en dedans de 2 semaines, le club a déménagé, ce qui est quand même assez fou. Mm-hmm. Et le fait de ramasser un club qui est déjà existant avec les erreurs du passé puis tout ça, j'ai l'impression que, oui, tu sais, t'es content d'avoir un club, t'es content d'avoir de la Ligue nationale, mais en même temps, si le club marchait pas, s'il y avait pas de monde qui allait le voir, c'est parce que le spectacle ça de là, c'était pas écœurant, ça doit être un peu donnant de savoir que t'as une couple d'années à avoir un spectacle de marde, entre guillemets, ça de là, en raison des erreurs du passé, sur lequel les dirigeants actuels ont aucune mainmise. Ils ne peuvent rien faire pour changer quoi que ce soit. Ah, ben c'est sûr. Oui puis non. En même temps, le monde est tellement content d'avoir leur club que ça ne les dérangeait pas. Ils auraient perdu pendant 5 ans. Je pense qu'ils auraient été plein pendant 5 ans. C'était vraiment pas ça le problème. Mais en même temps, on n'est pas tombé sur un club si mauvais. Il y avait des bons petits éléments. Il y avait Blake Wheeler était déjà là. Evander Kane était en feu. Il était jeune. Il n'était pas encore la tête folle qu'on connaît aujourd'hui. Ben, il l'était déjà, mais il n'était pas si pire. On avait Bufflin, Andrew Ladd qui était écœurant dans ces années-là. Donc, il y avait quand même une belle base là, pour bâtir une équipe. Là. Ça, on partait pas de rien du tout. Là. Il y avait quand même un petit peu de joueurs à regarder. Oui, il y a un peu de viande quand même autour de l'os. Oui, exactement. Et écoute, il y a un mythe, ou je sais pas si c'est une réalité, tu vas pouvoir me le dire, sur l'hiver à Winnipeg, comment est-ce que c'est censé être fret. Puis que s'il y a une raison qui explique pourquoi les gens sont. L'aréna est pleine tout le temps, c'est parce qu'au moins il y a la chaleur dans le building. Ça évite d'être au fret à l'extérieur. C'est vrai les hivers à Winnipeg? Les hivers sont froids, oui. Mais ce qui est le plus tannant, c'est le vent. Vu qu'on est dans les prairies, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'arbres, rien. Fait que le vent est toujours à 30-40 km/h. Fait que l'hiver, quand il fait moins 40, puis avec un vent de 40 km/h, c'est frais. Ouais. Mais c'est pas. Moi, je viens du Saguenay originalement. Puis, je veux dire, c'est pas. J'ai pas vu une différence si énorme que ça. C'est pas chaud, mais tu survis. Là. Je veux dire, l'hiver, tu te mets un bon manteau d'hiver, puis t'es correct. Oh, ouais, non, c'est ça. Si tu compares avec Montréal, que l'hiver est déjà plus court, moi, je suis rendu dans le secteur de Gatineau, puis, tu sais, des tulipes au mois d'avril, j'ai jamais vu ça de ma vie avant d'être ici. Là. Fait que si tu compares avec Winnipeg, c'est vrai que le clash est moins grand que. Non, ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on dit? Aussi, où ce que l'aréna est, le coin, c'est de, dans le fond, la Transcanadienne passe dans le milieu de la ville. Puis le coin de rue où ce que l'aréna, c'est un des coins, c'est le coin de rue le plus venteux du Canada. Okay. Parce que t'as toutes les gratte-ciels. Donc, en plus, le vent est encore plus fort dans cette rue-là. Fait que quand tu marches pour aller aux Jets, là, t'as fret. Fait que c'est drôle quand les joueurs chialent de l'extérieur qui fait fret à Winnipeg. Leur hôtel est sur cette rue-là, fait qu'ils sont vraiment comme dans le pire spot pour avoir fret. Fait que je comprends qu'il y ait fret quand ils viennent à Winnipeg. Ouais, il y a comme un microclimat encore plus intense que si tu rentrais par n'importe où ailleurs. Exactement. Hein. OK. Fait que dans le fond, ce qui est le désavantage à Ottawa d'être à Canada, d'avoir le club à, en banlieue, ça aurait été un avantage à Winnipeg, il y aurait eu moins fret. Exactement. OK, c'est bon. C'est, cette capsule météo est une présentation des Jets de Winnipeg. Je vais y aller avec un petit peu là, une nomenclature là, de la situation des Jets. Au moment d'enregistrer, nous sommes le 22 mars 2018. Les Jets, actuellement, sont deuxièmes dans la division centrale, devancés uniquement par le train à vapeur que sont les Prédateurs de Nashville, avec Nashville a 106 points et Winnipeg en a 98, ce qui les met en très, très bonne posture parce que Minnesota, qui est troisième dans la centrale, est à 90 points, donc il n'y a pas d'inquiétude, ça ne bougera pas. Officiellement, les Jets ne sont pas encore mathématiquement en série, mais ça va se faire, ils vont y aller, il n'y a pas de problème. Dans les 10 derniers matchs, 7 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation, fait que la machine va bien. Au thème des pointeurs, Blake Wheeler est le meilleur pointeur de l'équipe avec 81 points en 73 matchs. Et le meilleur buteur, bien entendu, c'est Patrick Laine avec ses 43 buts qui le place, je vais juste regarder dans la ligne nationale, qui deuxième. Deuxième, juste derrière Ovechkin qui en a 44. Et pour les points, là, Wheeler, ça le place au 10e rang. Donc, force en présence. Juste ces deux éléments-là, on s'entend, c'est un, ça part bien une base de formation, mais en plus, les Jets, c'est une solide équipe de hockey. Si c'était pas que les Preds sont aussi forts, ils seraient probablement numéro un d'à peu près toutes les divisions de la Ligue nationale. C'est un train, là. Ça va très, très bien à Winnipeg. On est même cinquième au classement. Tu sais. C'est drôle, t'es deuxième de ta division, mais t'es cinquième au classement. Oui, c'est ça. Oui, puis ils ont affronté les Prédateurs plus souvent que toutes les autres équipes, là, veut pas, vu que c'est dans la même division. Fait que si un club qui est vraiment fort au-dessus, ben ça t'enlève des points éventuellement. Oui, puis c'est une grosse division. Là. T'as Nashville, Winnipeg, Minnesota, Colorado, Saint-Louis, Dallas, Chicago. Je veux dire, même si Chicago va pas bien cette année, ça reste une grosse équipe pareille. Là, quand Patrick Kane puis Jonathan Toews décident de jouer, c'est toujours dur à battre cette équipe-là. Là. Donc, c'est vraiment une grosse conférence, une grosse division à Winnipeg, ce qui explique là, les dernières années qui ont été plus difficiles, même si on avait une très bonne équipe. La division est tellement forte que c'était dur de faire sa place. Reste 9 matchs pour les Jets. Là-dedans, on affronte demain les Ducks d'Anaheim, les Preds, parce qu'on vient d'en parler, Boston, Chicago, les Leafs, Ottawa, Montréal, ça c'est un petit redout. Les Flames, ça peut toujours causer une surprise, même si c'est plus difficile dernièrement. Et les Hawks, fait que grosso modo, là, il y a contre les Leafs et Boston que c'est des gros matchs. Le reste, le calendrier est assez avantageux pour la formation des Jets. Grosso modo, là, si tu avais à donner une note à la saison des Jets jusqu'à maintenant, ça ressemblerait à quoi? Ah, ça flirterait avec la saison parfaite, je te dirais. Même si on a eu plusieurs blessés, les joueurs se sont toujours remontés, les gardiens vont bien, la défensive va bien, tout va vraiment bien à Winnipeg cette année. On est dans le top 5 dans à peu près toutes les stacks, là, but par match, but contre, power play, penalty kill, qui était notre grosse faiblesse l'année passée. On est cinquième cette année, ce qui est vraiment là, dur à croire. Là. C'est Matt Hendricks qui est arrivé, des Oilers, qui est une signature que beaucoup de monde trouvait que c'était un peu bizarre, c'était pas vraiment un joueur pour nous autres, mais au contraire, il a complètement changé la dynamique du penalty kill, puis depuis ce temps-là, cinquième de la ligue, c'est quand même plus que respectable. Mmh, tout à fait. Je suis en train de regarder là, le différentiel but pour but contre, et les Jets sont troisième dans la Ligue nationale à 3.29, devancés seulement par Tampa Bay et Vegas. Fait que c'est dire, comment est-ce que c'est une machine qui est bien huilée, là? Ah, vraiment. On a beaucoup de bons vétérans, des bons jeunes. Là. C'est vraiment une des plus belles équipes à avoir en ce moment. Sérieusement, les Jets, c'est dur à battre. Mm-hmm. Selon toi, c'est-tu la bonne année? Je pense qu'on va aller loin. Est-ce qu'on peut se rendre jusqu'à la Coupe Stanley? Ça se peut. Je veux dire, c'est une équipe qui va être dure à battre dans un 4-7. On n'est pas chanceux avec les blessures cette année. On dirait que ça va se replacer pour les séries. Tout le monde va être là. Là, il y a Lainé qui s'est blessé hier. On parle d'une semaine, donc c'est pas trop grave. Mais il y a Jacob Trouba qui s'est blessé de commotion cérébrale, donc tout dépend de ça aussi. On manque un petit peu de défensive, mais si tout se place, si les astres s'alignent, oui, on pourrait aller jusqu'au gros bol d'argent. Là. Mais même l'année prochaine, même dans les 5 prochaines années, Winnipeg va toujours être aussi fort. Là. Le gros centre de notre équipe, là, c'est tous des joueurs en bas de 25 ans. Là. Il y a Little et Wheeler qui sont un petit peu plus vieux, mais sinon, là, tu parles de Laine, Eller, Shifley, Kyle Connor. C'est tous des bons jeunes. Josh Morrissey, Jacob Trouba. C'est assez hallucinant d'avoir tout ça en même équipe. Oui, oui, oui. Puis en plus, en termes de contrat, je regardais ça sur CapGeek. Il y a, à part Stachny qui est assigné là et Trouba, il n'y a pas de joueur du noyau qui est assigné pour l'an prochain. Fait qu'il n'y a pas de hausse salariale exponentielle à voir venir. Là. Non, effectivement. Fait que sous le plafond salarial, ça devrait mieux se passer pour la formation des Jets. Ils ont 54 millions de mis sur la masse salariale pour l'an prochain. Et c'est comme je disais, là, il y a Ernstrom, Trouba et Stachny qui sont assignés. Puis Ernstrom, même s'il a eu une bonne carrière, puis il a vraiment bien fait, là, il est rendu pas mal au bout de son rouleau. Là, fait que c'est quasiment 6 millions qui se libèrent. Là. Il y a un gars comme Tucker Pullman qui est prêt à prendre sa place dans l'alignement. Là, fait que ça va faire une grosse différence aussi. Oui, je voyais Sammy Nicou aussi sur The Athletics. Là, il y avait un article sur comment est-ce que ce gars-là va venir remplacer plus rapidement que plus vite que tard. Là, oui. Va venir remplacer Ernstrom. C'est un solide prospect. Les Jets, le repêchage leur a souri, oui, avec la loterie pour l'aîné. Mais même plus loin, il y a des excellentes sélections qui ont été faites. On dirait que c'est carrément le contraire du Canadien de Montréal. Bon, on parle du Canadien. je veux dire, tous leurs premiers choix réussis, puis le reste, c'est de la merde. Ouais. Canadien, c'est le contraire. On dirait que leur premier choix ne marche jamais, puis le reste, en deuxième, troisième, quatrième ronde, ils frappent des circuits. Winnipeg, leur premier choix. C'est sûr, comme Laine, c'était évident, là, ça c'était facile, mais je parle d'un gars comme Kyle Connor l'année d'avant, repêché, je pense que c'était 15 ou 18, 17 dans ce coin-là. C'était vraiment solide. Nicolas Ehlers, qui a été choisi 9e, Josh Morrissey, qui a été choisi l'année d'avant. Je veux dire, leur premier choix, Jacob Trouba l'année d'avant. Ils réussissent toujours à choisir vraiment un bon joueur, puis pas parce qu'ils repêchent premier, deuxième, troisième, là, on parle de choix 9, 10, 13, 15, puis ils réussissent toujours à trouver le bon joueur, là, donc ça les aide beaucoup. Même leur premier choix d'équipe, il était 7e, 8e, il avait repêché Shifley, puis c'était une surprise, il était supposé sortir 15-20, puis ils l'ont repêché 7, puis c'est probablement un des meilleurs joueurs du draft 2011, malgré qu'il y avait des très bons joueurs, là, mais entre Ryan Nugent-Hopkins, puis Landeskog, Huberdeau, puis Shifley, aujourd'hui, je suis pas sûr que Shifley serait aussi loin. Ouais. Non, il y a des excellentes sélections. 53 points en 52 matchs cette saison pour Shifley. Tout va bien. Ça n'a pas de problème. Vraiment, cette année. Autant que l'année passée, tout allait mal malgré. Il n'y a pas eu des grosses différences entre cette année et l'année passée. Là. Il n'y a pas des gros ajouts qu'il y a eu. Mais l'année passée, c'était des blessures, la malchance, les gardiens qui n'ont pas fait le travail du tout. Cette année, ça s'est replacé. L'acquisition de Steve Mason, malgré haut salaire qui gagne, qui est quand même assez cher, mais il a vraiment juste amené le fait que tu as un vétéran qui est capable de l'épauler quand Connor est un peu plus de misère. Tu sais que tu peux envoyer Mason puis tu vas être correct. Tandis que l'année passée, Hutchison, puis que ce soit Pavlik, Hutchison, puis ouais, il m'en manque un. Comrie? Jouer Comrie dans la pas liste? Comrie l'année passée, c'était. Ouais. Je suis capable de revenir dans le temps. Un peu, là, ça va m'en venir. Il est bien Hutchison. Moi, c'est Hutchison. C'était ça. C'était Hutchison qui est vraiment l'année passée. Il y avait de la misère. Je parlais de contrat. Il y a Hollebuck aussi qui va être re-signé, mais il est RFA. Fait que la hausse sera pas probablement pas magistrale non plus. Écoute, t'as amené le Canadien. On parle de l'an passé, comment est-ce qu'il n'y a rien qui a fonctionné. dans les médias, même Marc Bergevin, le directeur général du Canadien de Montréal, a utilisé ça comme, je ne sais pas pourquoi, un mirage, un espoir que la saison actuelle du Canadien, c'était pas grand-chose dans la balance et que des clubs pouvaient être pas des séries une année et revenir en force l'année d'après. Il a nommé les Jets, il a nommé le Lightning de Tampa Bay comme étant des clubs qui ont, tu sais, ça n'a pas fonctionné l'an passé. Puis regardez cette année, ça marche bien. Écoute, les pièces du puzzle, on le voit avec les Jets, là. Tout est là. Tout est en place. Pour une raison que moi, j'ignore. Je suis pas autant les Jets qu'ils devraient avoir d'attention de ma part qu'ils le mériteraient, là. Mais l'an passé, ça cliquait pas. Et cette année, ça fonctionne. Mais l'an passé, tu m'aurais demandé, prends-tu le Canadien ou tu prends les Jets si t'as à devenir le DG d'un des deux clubs, puis les clubs restent comme ils sont, puis je t'aurais dit les Jets, même si le rang au classement général était à l'avantage du Canadien de Montréal. Ah, mais ça se compare pas, là. Les Jets sont allés, j'appelle ça l'école de la base, c'est le repêchage, des bons attaquants rapides, tout est là, une bonne ligne de centre. Cette équipe-là est vraiment dure à battre. Il manque des pièces comme n'importe quelle équipe, mais vraiment, là, sont beaux à voir jouer, sont solides, sont rapides. C'est dur à battre comme équipe, là. Sérieusement, c'est le fun d'être un fan des Jets en ce moment. Ouais. Bon, question quiz. Faut qu'on départage les grosses affaires. En ce moment, premier buteur, Ovechkin, deuxième, l'aîné. Je veux savoir pour toi, qui est le meilleur butant, le meilleur buteur en termes de talent brut? Lequel des deux qui est le meilleur? Puis je parle pas en ce moment, là, je parle vraiment de talent brut. Les individuellement, là, tu mets un et l'autre vis-à-vis, là, qui gagne la compétition pour le meilleur buteur? C'est une grosse question. Ovechkin, c'est sûr. Les deux, c'est un talent pur. Les deux se ressemblent beaucoup. Ils font le même but juste sur le coin du cercle de mise en jeu, là, le même jeu qui fonctionne à peu près tout le temps. C'est dur à dire, mais pour l'âge et tout, c'est sûr qu'Ovechkin est capable de faire encore des 50 buts à son âge. C'est quand même c'est vraiment solide. Mais en talent brut, c'est sûr que je suis aucunement objectif. J'irai avec Laine pour ce qu'il fait en ce moment. C'est hallucinant de le voir jouer. Puis la maturité qu'il a pris en un an entre sa première et sa deuxième année, c'est hallucinant. L'année passée, il essayait d'être flashy. Il en essayait trop. Il s'impliquait physiquement. Il essayait des choses comme ça. Cette année, il est plus à son affaire. Il cherche pas la rondelle. Ses coéquipiers savent qu'il est là. Il essaie de faire leur affaire. Puis un moment donné, ça vient à Laine. Puis ça se transforme. C'est quelque chose à voir. Sérieusement, c'est tout un scoreur. C'est pas un joueur complet comme Austin Matthews, le débat éternel Matthews-Laine. Il n'y a pas de débat à avoir. Les Leafs avaient besoin d'Austin Matthews. Les Jets n'en avaient même pas besoin. Un joueur comme Patrick Laine était parfait. Donc, tout le monde est bien content de ce repêchage. Mais toi, en tant que fan des Jets, tu l'entends ça, la comparaison Laine-Matthews? Il me semble que s'il y a bien une année de repêchage, où est-ce que je vois pas de comparaison, parce que les deux sont excellents, mais dans des sphères complètement différentes. Il me semble que c'est bien ce repêchage-là. Toi, t'entends-tu du monde faire ouais, le Matthews, Laine? On entend beaucoup. On n'a pas beaucoup de couverture sur les Jets quand on a des matchs qui passent à Sportsnet ou TSN, des choses comme ça. Ça revient tout le temps. Laine repêché avec Matthews. Matthews a plus de points. Blablabla. Il y a toujours des choses comme ça, mais je pense que le monde sont assez intelligents pour voir la différence entre les deux. Là. Laine, c'est un scoreur. Matthews, c'est un centre qui est bon partout. Matthews va faire plus de points dans sa carrière. Laine va le détruire dans les buts. Puis même un peu un Crosby-Ovechkin. Même si Crosby fait plus de buts qu'Ovechkin une saison, en talent brut de scoreur, Ovechkin est meilleur. C'est juste comme ça. Mm-hmm. Oui, ouais, c'est ça. Puis j'avoue que la comparaison des duos, là, premier, deuxième... c'était pas dans la même cuvée, là, mais Ovechkin-Crosby versus Matthews-Laine, j'avoue c'est que la comparaison, c'est du pareil au même. Là. C'est vraiment ça. Là, je veux dire, je pense pas... Matthews va-t-il avoir une aussi bonne carrière que Crosby? Je pense pas. Peut-être. Le talent est là. Faut le mettre sur la glace. Gagner des coupes, c'est pas facile. Gagner les trophées non plus, mais c'est tout un joueur, Austin Matthews. Mais les deux carrières vont être vraiment similaires. Là. Il va dominer comme Crosby, là, a vu le faire, Laine va faire exactement comme Ovechkin, remplir le filet à profusion. Ça va être des carrières qui vont se ressembler plus de deux joueurs. Pour, en termes de longévité, là, Ovechkin est en train de prouver que même il est rendu à 31, 32 ans, est encore capable de la mettre dedans aussi régulièrement. Il est là, là. Il, en termes, même avec l'âge, il n'a pas ralenti. Pour toi, là, ton analyse, là, qu'est-ce que ça prend de la part de l'aîné pour être capable de copier ce genre de parcours-là? Il n'arrivera peut-être pas à la même hauteur, mais d'avoir une longévité en tant que buteur dans la Ligue nationale. Ben, je pense qu'il a déjà fait l'évolution entre sa première et sa deuxième année. Comme je disais, sa première année, il essayait de foncer partout, il essayait d'en faire beaucoup trop. Des gars comme ça, ça n'a pas besoin d'essayer de déjouer quatre joueurs, d'aller ramasser des joueurs dans les coins. Chose comme, même chose pour Ovechkin en début de carrière. Tu le voyais, il plaquait beaucoup, beaucoup de mises en échec, vraiment trop impliqué dans le jeu. Un moment donné, c'est devenu de l'autre côté pour Ovechkin, il s'impliquait plus du tout, puis là, il est revenu dans les bonnes façons. Laine a réussi à bien doser ça cette année, vraiment bien s'impliquer, mais pas trop en faire. Des fois, c'est pire, surtout pour un marqueur, quand t'es pas capable de la mettre dedans, des fois, on dirait que tu veux en donner un peu trop, puis ça empire, là. Il est capable, quand il compte pas pendant 3, 4, 5 matchs, il est aussi calme, il se met à la même place, il fait ses affaires, puis il sait que ça va revenir, parce que ses tirs sont juste malades dans la tête, là, à chaque fois qu'il le fait. Tu sens quelque chose, il y a la rondelle, puis toute l'aréna, on vient comme toute courbée, là, tu le sens qu'à chaque fois qu'il y a la rondelle, puis qu'il lance, il y a quelque chose qui va arriver, là, même si ça donne pas un but. Il est deuxième de la Ligue pour les poteaux, puis c'est pas pour rien, il est vraiment quelque chose. Mm-hmm. Puis c'est fou comment est-ce que t'as des gens comme ça qui sont capables, en peu d'espace, en peu de temps, sont couverts. Là. Ovechkin pensait pas le monde là, que sa glace, il se promène, walk in the park, puis il fait ses petites affaires. Tout le monde est tout le temps en train de le watcher, puis il est capable de la mettre dedans pareil. On le sait que c'est lui qui va finir le jeu. L'aîné, c'est la même chose. L'ajustement, la sens-tu à travers la Ligue que les gens s'ajustent et le voient comme une réelle menace et lui offrent une couverture digne de la menace qu'il est? Oh oui, vraiment. Là, je dirais même au début de la saison passée, comme il était une recrue, il y a eu un peu plus d'espace. Ça n'a pas été long qu'ils l'ont couvert parce qu'il était vraiment trop solide. Pas encore aujourd'hui, la comparaison avec Ovechkin est excellente. C'est la même chose. Là, il le couvre, puis à la seconde qu'il l'oublie, ses coéquipiers. C'est ce qu'il y a aussi. Il y a tellement des bons coéquipiers qui sont capables de faire leur jeu de l'autre côté. Puis à un moment donné, t'as pas le choix quand t'as un gars comme Healer qui se promène avec la rondelle depuis 30 secondes dans ton territoire et personne n'est capable de bouger. Ben, c'est là qu'il y a une erreur puis il y en a deux qui vont le couvrir en même temps. Puis là, si c'est Laine qui se libère, il fait une passe puis c'est pratiquement terminé. Là, ça arrive vraiment souvent. Je m'en allais vers le capitaine puis regarde, tu l'as amené dans la discussion. Blake Wheeler. Puis je suis le premier à tomber dans le panneau à chaque année, de le sous-estimer, puis de pas le prendre en haute estime, de pas le considérer comme faisant partie de l'élite de la Ligue nationale. Pour toi, puis je dois admettre que, tu sais, je suis de ceux qui ont fait ça. Considères-tu que c'est l'un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale? Ah, c'est le joueur le plus sous-estimé de loin dans le national. Tu vois dans les poules de hockey, dans les ligues simulées, n'importe où, ce gars-là sort jamais en première ronde. Pourtant, chaque année, tu parles d'un 75-80 points, un 26 buts, il s'implique physiquement. C'est vraiment tout un joueur, puis à chaque année, tu le vois pas, il est nulle part. Et cette année, dans le top 10 toute l'année, tu parles de tous les 1, 2, 3, 5. Il n'y a personne qui parle de Blake Wheeler. Puis je pense que c'est à son avantage aussi. Il fait ses affaires. Tout marche bien. L'équipe va bien. Il y a un super bon leadership. L'équipe va bien. Donc, c'est tant mieux en tant que tel. Le monde, on dirait qu'il ne surveille pas tant, mais en même temps, tu ne peux pas parce qu'il est énorme sur la glace. Il mesure 6 pieds 5. Il pèse à 230. Et tu le vois de loin. Là. C'est tout un train. Mm-hmm. Des saisons. Là, il est à 81. C'est sa meilleure en carrière déjà. Et ouais. La saison n'est pas terminée. 74, 78, 61, 69. Donc, depuis la saison 2013-2014, qui est quand même passé à un autre niveau, ben, je vais mettre même plus loin. Écoute, c'était la saison raccourcie de 2012-2013, 41 en 48. L'année d'avant, 64 en 80. Donc, depuis la saison 2011-2012, toujours plus de 60 points par saison. Là, et près du 60 par 80. Là. Ouais, du 60, ouais. les 60 en montant. Là, ouais. Des saisons de 60 points aujourd'hui dans le National, c'est une très bonne saison. Puis là, quand tu flirtes avec le 70, le 80, ben là, tu commences à avoir des excellentes saisons. Mm-hmm. À 31 ans, d'avoir ta meilleure saison offensivement. Oui, puis c'est un gars qui n'est pas beaucoup blessé, puis il joue un jeu vraiment physique, puis il n'a vraiment pas eu beaucoup de blessures dans sa carrière. Fait que c'est un gars solide. Mm, tout à fait. Je regarde, là, il a manqué... ben écoute, il en a pas manqué cette année. Les deux saisons d'avant, il en a pas manqué. Il est à 79 en 82, la saison 2014-2015. 82 en 82 l'année d'avant. L'année d'avant, les 48 matchs. 2011-2012, 80 matchs aussi. Fait qu'il en manque pas des matchs. Il est toujours là, puis il est hyper régulier en termes de production. Oui, il est toujours... puis c'est un des gars qui passe beaucoup de temps sur la glace aussi. Là, on parle, c'est un gars qui est une vingtaine de minutes sur la glace en moyenne, là, ce qui est quand même, pour un attaquant, c'est beaucoup de minutes. Oui. Par contre, en série, c'est pas le gars qui a le plus de vécu. 25 matchs à travers toute cette carrière-là, dans trois playoffs différentes. La dernière fois qu'il était en série, 2014-2015, puis avant ça, c'était 2009-2010, avec il était à Boston à l'époque. Ouais, avec les Bruins, oui. Ouais. Non, c'est sûr qu'à Winnipeg, on était lancé une fois, puis on s'est fait battre en quatre matchs. Fait que ça n'a pas été des grandes séries. Donc, on espère que ça va changer cette année. Là, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui ont des matchs en série, mais c'est là que l'ajout d'un gars comme Paul Stachny va quand même faire du bien aussi. Tu m'amènes tout le temps sur mes sujets. Je voulais parler de Stachny, mais je vais faire le lien avec le capitaine. Il y a une histoire qui circule suite à l'acquisition par les Jets de Paul Stachny. Qu'il aurait offert son numéro de jersey à Paul Stachny parce que c'est le même qu'il portait Stachny à l'époque des Blues et que ben c'était le numéro de son père. Fait que semble-t-il que Blake Wheeler, monsieur capitaine, il aurait offert de céder son numéro à Stachny qui aurait refusé. Mais est-ce que tu. Comment je vais tourner ça? Ça fait-tu du sens de la part de ce genre de bonhomme-là d'avoir cette modestie-là, d'avoir ce type de leadership-là? Absolument. Ça vient aussi avec le fait qu'il soit le joueur le plus sous-estimé de la Ligue. C'est un peu de sa faute aussi. Je veux dire, c'est pas un gars qui flash, qui veut pas flasher. Ça me surprend pas. Je l'ai rencontré 2-3 fois en personne. C'est une personne qui est super humble, super gentille. Donc non, ça me surprend pas du tout. Je sais pas si c'est vrai. Je l'ai entendu parler aussi. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Je crois que oui. Ça me surprendra aucunement. Puis t'as l'honneur de Stachny d'avoir refusé. Là, ça me faisait penser un peu à l'histoire de Mark Messier quand il est allé à Vancouver, que ça finit en folie là, quand il avait enlevé le capitaine de Trevor Linden, pris le numéro d'un joueur retiré. Là, c'était assez horrible. Là, donc le fait que Stachny dit ben le numéro c'est un numéro, c'est pas grave. Puis je trouve que c'est tout à son honneur aussi. Mm-hmm. J'avais une question, puis elle m'a échappé. Bon, c'est pas grave. Penses-tu que... Puis écoute, les chiffres sont là jusqu'à maintenant en 10 games, là, mais penses-tu que l'ajout de Stachny, c'était la pièce manquante pour pouvoir passer au prochain niveau pour les Jets? Moi, je pensais pas qu'il était si nécessaire. Moi, je le voyais comme troisième centre de l'équipe. C'est avant une blessure comme Scheifele qui s'est blessé l'année passée ou cette année... C'est sûr que ou Scheifele ou Little qui se blessait, t'avais une belle police d'assurance d'un gars qui est capable de dépanner sur le deuxième, premier trio si t'en avais besoin. Puis au contraire, Paul Maurice directement l'a mis sur le deuxième trio entre Ehlers puis Laine, puis ça a fonctionné tempête en partant. Ces 10 parties-là, Laine jouait de l'excellent hockey, Ehlers aussi. Donc je pense que c'est encore un meilleur move que je pensais au départ. Donc vraiment... très bel échange ici que j'adore. Là. Moi, c'est un joueur que j'aimais particulièrement en plus. Donc, bien content de l'avoir avec les Jets. Ouais. Puis moi, j'avais l'impression que c'était un Plekanec, mais avec encore ses capacités offensives. Et il se révèle être beaucoup plus que ça. C'est encore un deuxième centre. C'est peut-être la profondeur à cette position-là avec les Blues puis la lourdeur de son contrat qui l'ont sorti de là-bas. Mais... non, c'est une excellente transaction, même si le prix a quand même été assez élevé. Oui, quand même. On a donné un premier choix, mais si tu regardes dans les années passées, ce qu'ils ont donné, ce que les gens ont pu donner pour des agents libres, on a déjà pensé à Martin Enzor l'année passée qui a pas marché du tout, puis ça a coûté beaucoup plus cher. En même temps, si ce qui a été donné à d'autres joueurs sur le marché, un gars comme Stachny qui est capable de te faire 40 points, qui joue bien défensivement, il fallait que tu le payes aussi si tu veux l'avoir dans ton équipe. Mm-hmm. Je lisais un article avant de faire le show sur The Athletics. Moi, je suis abonné sur cette plateforme-là. Laisse plus de place, j'ai l'impression, aux journalistes d'arrêter d'être au day-to-day avec les équipes pour pouvoir creuser des dossiers et de les approfondir de manière plus exhaustive. Et on parlait de les transformations de l'avantage et du désavantage numérique chez les Jets. Le travail de Paul Maurice, qui, semble-t-il, l'été dernier, a pris tous les buts que sa formation a accordés en désavantage numérique, a classé les chances qui avaient mené à ces buts-là en termes de dangerosité, les chances A, B et C, et comptabiliser tout ça, puis il a fait, OK, les chances A, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il a transformé, a tweaké, et les chiffres cette année, pour les Jets, on le disait là tantôt, c'est astronomique dans pratiquement toutes les catégories. Comment tu perçois Paul Maurice en tant que coach? Moi, j'adorais Paul Maurice. L'année passée, des fans commençaient à être un petit peu tannés. On avait une bonne équipe, ça marchait pas. On dirait qu'il faisait rien pour que ça change vraiment. Que je voyais cet été, ça parlait, là, serais-tu dû pour être congédié, blablabla. Puis j'étais comme, j'étais pas certain, mais j'étais pas vendu non plus. J'étais comme, on va y laisser une chance. L'année passée, c'était vraiment une bad luck. On va essayer. Puis, on a bien fait de laisser sa chance. Cheval des Off a fait un bon travail là-dessus parce que cette année, l'équipe complètement transformée. Power play, PK, tout fonctionne bien. Le revirement du penalty kill est hallucinant parce que l'année passée, c'était vraiment notre problème. On était l'équipe la plus punie de la ligue. En plus, notre penalty kill ne suivait pas, donc ça aidait pas du tout. Cette année, ils sont cinquième en penalty kill. En power play, les Jets sont troisième. Fait que ça, on dit dans la Ligue nationale, si ton pourcentage d'efficacité dans les deux, là, si t'additionnes et tu dépasses le 110, c'est que tu es en très, très bonne posture. Et faudrait que je fasse le petit calcul mathématique, là, mais 84% en penalty kill plus 23%, fait que tu sais, on dépasse ce chiffre-là. Donc, on se positionne très, très bien de ce côté-là. Je veux reculer d'une année, voir qu'est-ce que ça donne pour les Jets l'an passé. Tu dis que c'était une des pires en penalty kill? Il était pas, je sais pas si c'était les pires, mais on avait tellement de punitions. 26e. 26e. Ouais, c'est ça. Donc, et ça, écoute, j'ai retrouvé ma question, je l'ai notée, mais je vais en revenir plus tard. Je veux qu'on parle de Buffalo, parce que s'il y en a un qui prend des pénalités chez les Jets de Winnipeg et qui prenait beaucoup de place, c'est bien lui, le gros ouais. Buff. On l'a même laissé de côté à certaines occasions cette saison-ci. Est-ce qu'on a finalement cassé le gros Buff? Ben, le gros Buff, c'est pas compliqué. Il commence la saison, il est pas en forme. Ça lui prend 10 games pour se remettre dans le train de la Ligue nationale, puis quand il revient en game shape, c'en est un défenseur sous-estimé, il vient dans les tops de la Ligue nationale, il est un vrai défenseur numéro un. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le voit comme un défenseur numéro un, mais il est offensivement, défensivement, il est rapide, malgré que le monde pense qu'il est lent. Il a battu Eric Carlson au match des étoiles en vitesse il y a une couple d'années, ce qui a surpris bien du monde. Des frappes. C'est hallucinant de voir ce gars-là frapper un joueur. Et le monde est intimidé par lui quand il est sur la glace. Ils vont toujours aller de l'autre côté s'ils ont une chance. C'est tout un défenseur, mais c'est ça. Il a cette mauvaise habitude-là de prendre beaucoup de punitions. Il défend beaucoup ses coéquipiers, il prend beaucoup de minutes de punitions là-dessus. Mais ce genre de punition, tu es capable de vivre avec parce que ça amène un leadership assez hallucinant dans l'équipe. 39 points en 61 games, plus 12. Cette année. Une belle petite saison. Là. Comme je te disais, il a vraiment commencé tranquillement. Je pense qu'il a compté. Il n'y a pas beaucoup de buts cette année. Là. Il y en a 5-6, puis c'est un gars de 15-20 buts. Là. Fait que ça ne sera pas une grosse année de 2 buts cette année, mais sacrifier une coupe de buts pour l'équipe. Il joue souvent sur la pointe avec Lainé, puis il va distribuer la rondelle beaucoup. Donc, c'est un mal pour un bien. Bon, on a aussi diminué son temps de glace. T'sais, de l'avoir comme premier défenseur, c'est peut-être pas la meilleure utilisation que tu peux en faire. Là. En fait, il est bon dans pas mal tous les aspects de l'équipe. Je pense qu'il est toujours numéro un. Il joue encore pas loin de 25 minutes par game. On a beaucoup de bons petits défenseurs, mais vraiment, là, on se fie vraiment sur lui pour l'avantage numérique, le 5 contre 5, même en désavantage, il prend tellement de place. Il n'y a pas un gars qui peut rester en avant du filet quand le bas fait sa glace, ça, c'est sûr et certain. Avec Trouba? Oui, je joue souvent avec Trouba. Je joue un petit peu avec Josh Morrissey aussi. Bon défenseur, bon petit jeune défenseur que j'aime vraiment beaucoup. Les duos de défenseurs changent beaucoup à Winnipeg. Je pense que ça leur fait du bien. Fait que on a vraiment des bons duos interchangeables, ce qui est vraiment intéressant. S'il y a une blessure, c'est pas la fin du monde. Tout le monde a déjà joué avec tout le monde. C'est pas un problème. Bon, ma question que j'avais oubliée, que j'ai retrouvée, puis là, je l'amène. Tu as mentionné avoir rencontré le capitaine à quelques occasions. Peux-tu nous parler un petit peu de ça, de la proximité des joueurs avec la population là-bas? Moi, quand je restais à Winnipeg, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai jasé avec Josh Morrissey dans une chose d'autographe pendant quasiment une demi-heure. Ils font beaucoup d'événements, des tournois de golf. Pour chaque repêchage, il y a toujours un gros événement dans une salle là-bas au casino avec les joueurs repêchés des années d'avant. C'est vraiment le fun. Ils sont impliqués dans la communauté. Si tu penses à Mathieu Perrault qui a eu deux enfants, des jumeaux ou jumelles, je suis pas sûr. Par exemple, à l'hôpital, depuis ce temps-là, il s'implique avec l'hôpital beaucoup. C'est vraiment intéressant. On les voit partout. Ils sont très impliqués dans la ville. C'est super intéressant. Parce que c'est pas un gros bassin de population. La Ligue nationale, c'est probablement la plus grosse patente que là-bas en termes de divertissement. Je connais pas nécessairement de la population là-bas puis comment est-ce que ça se passe. Seule affaire, moi j'ai passé une entrevue pour Radio-Canada Winnipeg un moment donné. C'est la seule affaire. Okay. Puis j'ai appris que le charbon était la source d'électricité là-bas. OK. Pourtant, ça a l'affaire. On a beaucoup, beaucoup d'électricité, donc je ne sais pas ça sort de où. Mais en fait, la production d'électricité viendrait du charbon, selon Radio-Canada. C'est ce qu'ils m'ont... parce qu'il y avait un quiz sur le Winnipeg et la province, puis je l'ai échappé, celle-là. Bon, je l'aurais échappé aussi, je te dirais que... le courant coûte moins cher qu'au Québec, fait que ça ne devrait pas être pire. Ça ne devrait pas être pire, hein? Mais, ouais, en tout cas, ça, c'est une affaire que je pourrais compter dans le magasin général, maintenant. Mais bon, j'en reviendrai là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, la connexion avec la population se fait bien. Est-ce que vous avez le sentiment là-bas que le club en doit une à la population, puis ben, il fait amende honorable? Non. Je veux dire, le monde ne sont pas amers. Le monde a compris pourquoi les Jets ont déménagé. C'était pas un problème de foule, c'était vraiment un problème un peu comme à Québec. Manque d'argent, l'argent US qui était vraiment élevé, les salaires avec pas de cap salarial. On pouvait juste pas faire fonctionner une équipe dans ce temps-là à Winnipeg. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent à Winnipeg, il y a beaucoup de grosses compagnies, les loges sont toutes prises. Donc, le retour de l'équipe, c'est vraiment incroyable. Les gens répondent bien. Non, effectivement, on n'a pas beaucoup d'endroits. On a les Blue Bombers, on a une petite équipe de baseball dans l'équivalent de Canam, là, fait que, avec les capitales de Québec puis Trois-Rivières, qui ont gagné le championnat cette année à Winnipeg pour la deuxième année. C'est pas mal ce qu'on a, là, point de vue sportif, mais le monde embarque dans tout, là. Les Bombers, c'est toujours plein, malgré que, là, ça fait 10 ans qu'ils sont pourris. Le monde commence à être un peu tanné parce que ça a été facile pour eux quand les Jets sont partis. Tout le monde sont allés vers les Bombers, puis les Bombers, ils ont fait comme, bah, ben, on n'a plus besoin de se forcer, on va avoir tout le monde. Là, le monde commence à être tanné un peu parce que la direction fait vraiment rien pour leur équipe. Mais sinon, des amateurs de sport, ça chiale pas, ça aime leur équipe l'année passée. C'est sûr qu'il y avait un peu de grogne, on n'était pas bons dans les fins de classement, mais les mondes sont toujours derrière leur équipe, toujours prêts à pardonner puis à passer à autre chose. Donc, vraiment le fun d'être un fan de cette équipe-là, Winnipeg. Des grands fans de hockey, là, ça parle pas juste des Jets, ça connaît les autres équipes, ça connaît les scores, c'est vraiment intéressant. Cool. Si on regarde un petit peu vers le futur, là, qu'est-ce qu'il y a dans le deep chart là, de la formation qui est intéressant à suivre là, puis qui donne des bons espoirs que ça va fonctionner puis ça va venir rajouter de l'eau au moulin là. Ben c'est sûr, comme on disait, le core en partant est jeune. On a des gars comme Jack Roslovic qui est en train de faire sa place déjà dans les nationales. C'était pas du tout ça le plan. Le plan c'était vraiment de laisser avec le mousse une couple d'années. Quelques blessures cette année. Il dominait avec le mousse, décide de le faire monter, puis il fait très bien avec les Jets. un gars comme Nick Petten, qui est excellent avec le Moose, mais on n'a juste pas de place pour lui dans le top 6, même dans le top 9, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de place pour un gars comme lui, mais pourtant, il a beaucoup de talent. Un gars comme Marco Dano qui marche pas, ça c'est un peu de... Il y a Brendan Lemieux, le fils de Claude. Mm-hmm. Il joue comme son père, un vrai petit Chris qui va partout, mais il a pas autant de talent que son père, mais vraiment, là, tu le vois sur la glace, tout le monde court après parce qu'il est déjà haï, puis il a peut-être quoi, 20 matchs en Ligue nationale, puis c'est exactement la même affaire. Tucker Pullman, que j'ai parlé tout à l'heure, qui a été signé comme agent libre en sortant d'université, qui joue très bien, donc on a... Ce qui arrive, c'est que tous nos joueurs repêchés, ils sont pratiquement déjà tous dans le deep chart. Il y a Veselainen, repêché l'année passée, qu'on va voir ce que ça va donner. Sûr qu'en jouant en Europe, on les voit beaucoup moins, donc c'est difficile de dire là, qu'est-ce qui s'en vient avec eux autres, mais j'ai pas peur avec le GM qu'on a. Il fait toujours les bonnes décisions au repêchage, donc c'est pas stressant du tout. Mm-hmm. Il y a Mason Appleton, ouais, qui est sorti des universités. Je pense que c'est une signature qui a été faite sur le side. Non, c'est ça, il y a quand Alors, même... Appleton, c'était un choix de sixième ronde il y a deux ans. Ah, bon, OK. Puis il marche au bout de cette année, donc encore un bon repêchage là-dessus. Bon, ben écoute, je vais y aller avec la question du public, parce que le sujet est quand même assez intéressant. On a parlé plutôt de ce qui fonctionnait cette année et ce qui fonctionnait pas l'an passé. Et une des pièces de ce casse-tête-là, de cette énigme de l'écroulement de la formation des Jets l'an passé, c'est bien sûr dans les filets. Et moi, je l'ai pas vu venir, mais Connor Hellebuyck fait la grosse job sale cette année. Et il y a Eduardo Ponce qui nous demande, dit la ponceuse, qui nous demande, est-ce que Hellebuyck va crouler en série? C'est une très bonne question. C'est là que l'ajout d'un gars comme Steve Mason, qui est, j'appelle ça un gardien 1.5. C'est pas vraiment un gardien numéro 2, mais il est pas capable d'être gardien numéro 1. Fait que 2.5, c'est 1.5, c'est vraiment sa place. C'est là qu'un gars comme ça est vraiment intéressant parce que on dirait que ça a donné confiance à Hellebuyck. Puis j'espère que non. Je me suis dit ça toute la saison. Ah oui, il va bien, mais il sera pas régulier, il va finir par s'écrouler. Puis il l'a pas fait de la saison. Est-ce qu'il va le faire en série? Si tu me l'aurais demandé il y a deux mois, j'aurais dit ben il va le faire un moment donné, mais là, ça continue. C'est la même chose avec Vasilevski un peu à Tampa Bay, que tout le monde se disait ah oui, il a remplacé Bishop, mais il va s'écrouler, puis ça arrive pas. Est-ce que ça va arriver? Ben, il y a une petite baisse de régime là en ce moment, là, depuis une dizaine de games. Oui, il y a une petite baisse de régime, mais quand même, ça reste des bons gardiens. Je crois pas. De le voir, il est toujours égaux. Toujours aussi bien, il est rapide dans ses déplacements. Tout va bien, la défensive va bien. Je pense que ça va être correct de ce côté-là. Ça va être peut-être pas aussi dominant. Là, on parle de chiffres quand même incroyables. 925 de pourcentage de reste, il est très solide. Est-ce que ça va baisser un peu? Probablement, mais je pense pas que ça va faire comme l'année passée où il y avait de la misère à faire 900 à tous les matchs. Mm-hmm. Il y a un dicton qui dit dans la Ligue nationale que les gagnants du trophée Vezina goal entre 60 et 70 games, mais que les gagnants de la Coupe Stanley en goal entre 50 et 60. Hellebuyck est déjà à 60, il reste 9 games à la saison. C'est sûr qu'il va en goaler quelques-unes là-dessus. Quand on parle de couler là, en série, il y a aussi un aspect fatigue. C'est éreintant des playoffs, puis t'es tout le temps là. Est-ce qu'on a trop fait jouer Hellebuyck? Ça va dépendre du fin de saison. C'est sûr que les gardiens souvent se développent sur le tard. Donc, quand tu commences à avoir 28, 29, 30 ans, c'est sûr que là, jouer des 60, 70 games par saison, ça rentre beaucoup plus dans le système. C'est un gars qui est encore jeune. Je pense l'aspect fatigue va être là, mais je crois que, surtout avec la blessure de Laine hier, qui devrait manquer une à deux semaines d'activité. La course au Rocket est pratiquement terminée. Ovechkin devrait compter 3, 4, 5 buts pendant ce temps-là. Donc, je pense que Paul Maurice va commencer à reposer ses joueurs parce que tu peux plus avancer. Nashville est trop loin en avant, puis tu peux pratiquement pas reculer les autres joueurs. Tu as 8 à 16 points en arrière. Donc, je pense qu'il va continuer à faire jouer ses joueurs, oui, mais je pense que il va mettre un petit peu la pédale douce pour la fin de saison parce que le spot est pas mal est pas mal là. Là. Tu peux pas vraiment descendre, tu peux pas vraiment monter, donc c'est le temps de reposer un peu tes joueurs pour être prêt pour les séries. Ouais. Penses-tu que Maurice va donner des congés à certains de ses leaders pour en vue des playoffs? Je pense que oui. Ouais. Oui, oui, vraiment. Comme je disais, il n'y a pas rien d'important qui s'en vient. S'il y aurait eu la course à Lainey, par exemple, pour le Rocket, ben, tu veux le faire jouer, tu veux qu'il essaye d'aller chercher ce trophée-là. Mais là, en ce moment, c'est ça. Ça dire que les As se sont alignés pour que ça n'arrive pas. Donc, ça va être partie remise. Je pense pas que. C'est sûr que Lainey devrait gagner ce trophée-là à 4-5 reprises dans sa carrière, d'après moi. Donc, si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine ou dans 2 ans. Là, c'est pas. C'est pas un gros drame. Ouais. Cette semaine, il y avait Piquet Subban en entrevue qui disait que pour lui, le Vezina allait arriver cette année, qui a des chiffres incroyables. Là, on parle de 931 d'efficacité et 2,21 de moyenne de buts accordés par match. Hollebuyck est à 925 pour 2,34 et Vasilevskiy à 922 pour 2,54. Donc, un petit peu moins bonnes les stats, mais en termes de victoire, il est devant les deux autres. Penses-tu que Hollebuyck est un candidat pour le Vezina puis il va finir deuxième, genre? Je pense qu'il peut être candidat, oui. Deuxième, troisième. Un gars comme Marc-André Fleury mérite définitivement sa chance aussi. Des chiffres incroyables avec Vegas. Oui, mais il y a quasiment 20 games de moins que les autres. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais avec les chiffres, je pense qu'il pourrait avoir sa place quand même. Un gars comme même Judd Gibson à Anaheim, qui a une saison de fou, qui peut être intéressant aussi. Mais oui, il est bien qu'il devrait avoir sa place là, dans le top 5, est-ce qu'il va être finaliste dans le top 3? Possiblement, il a sa place, ça ne serait pas une surprise. Avant de se quitter, je vais te demander, là, toi, là, en termes de parcours dans les playoffs, à partir de quoi tu es satisfait? À partir de. Tu sais, qu'est-ce qui te satisfait et qu'est-ce qui te déçoit? Le but premier, ce serait d'en gagner une enfin en série. On n'a toujours pas de victoire en série depuis que les Jets sont revenus dans le National, donc ça serait un début. Je sais pas si tu te rappelles du White House cette année-là, c'est hallucinant, la ville était complètement cinglée, tout le monde habillé en blanc pendant la partie. Les polices sur portage pour être sûr qu'il n'y avait pas de débordement en cas de victoire, c'était vraiment la folie, la ville est complètement cinglée pendant les séries. Donc, j'aimerais ça aller voir ça pendant une game de série. Ça doit être quelque chose. Donc, j'espère avoir mon billet, puis je vais monter pour y aller, c'est sûr. Fait que toi, à partir d'une victoire, une game gagnée, t'es content? Je vais être content à une gagnée. C'est sûr qu'on a l'équipe pour aller loin. Je pense que c'est rendu à Nashville que ça devrait être difficile. Là. Mais en première ronde, on devrait se prendre contre... Colorado, Minnesota, quelque chose comme ça. Fait que ça sera pas des séries faciles, peu importe l'équipe, mais on a une équipe pour se rendre loin, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte de la première victoire en série, ça va être quelque chose. Ouais, j'espère que Mike Tremblay écoute pas, là, mais je vais souhaiter aux Jets de pogner Colorado parce que je constate que c'est une formation qui a une moins bonne profondeur, qui est en avance sur où est-ce qu'elle devrait être en termes de talent par rapport à ses jeunes. Et qui a moins d'expérience, puis qui semble être un. Tu sais, c'est un club de. Il y a une bonne première ligne, puis après ça, c'est moins hot, puis en défensive aussi. Fait que je souhaite aux Jets de pogner l'Avalanche. Oui, oui, vraiment. Puis ce serait une bonne équipe. J'aime bien l'Avalanche aussi. Effectivement, ils sont peut-être un petit peu en avance sur leur développement, tout à leur honneur. Le changement du chaîne a changé l'équipe de A à Z. McKinnon qui a retrouvé un deuxième souffle toute une saison, c'est incroyable. Donc. Tant mieux pour eux autres. Puis, une bonne signature, un gars comme Alex Kerfoot, qui a pas mal changé la donne aussi, là, qui apporte un peu de profondeur à l'équipe. Mais effectivement, défensive, c'est un peu plus difficile. J'aime beaucoup rappeler aux gens que je l'avais drafté. En tout cas, dis ça de même. Dis ça de même. Hey, écoute, Vandal, ce fut une très belle émission. Je pense que ça a été intéressant pour les gens. Pour une première expérience en podcast, tu l'as mis l'autre bord, mon grand. Ah, ben merci de m'avoir invité. C'était très agréable de t'avoir avec nous. Ben merci beaucoup, JB. Puis tu me réinviteras pendant les playoffs qu'on parle des Jets. Yes. Merci beaucoup, Vandal. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. Puis je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode qui sera, si c'est pas le dernier show sur le Canadien, ça sera pas loin de ça. On va faire notre bilan de la saison. Puis, on risque de péter notre coche encore une fois. Le Canadien. Ouais, non, je le sais bien. Écoute, t'es encore là, Vandal, m'en profiter. T'étais à Winnipeg, le club a débarqué, c'est de ta faute. Est-ce que, grâce à toi, Québec va revenir? Ben, on espère. Tu travailles fort sur le dossier, hein? Ah, je travaille fort, j'aimerais ça avoir une équipe d'Ligue nationale à Québec. On va voir, je pense que c'est une question de patience, un peu comme à Winnipeg. Quand il y a une équipe qui va être prête à déménager, ils vont avoir besoin de quelque chose de rapidement. Ça va être ça. C'est pour ça que l'expansion, ils vont aller ailleurs, puis c'est correct, parce que payer 500-600 millions pour une équipe de hockey, c'est un peu stupide. Ça va être une équipe. Caroline, ça semble être réglé, mais ça semble pas être réglé. les Coyotes, les Panthers, il y a plusieurs équipes là que... Une journée, ça va être la même affaire qu'Atlanta. Une journée, ils vont dire, bon, ben là, on est tanné de payer... c'est le temps que vous nous en débarrassez, puis ils vont envoyer ça à Québec. Ça va être merci, bonsoir. Yes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, @lapocpodcast pour Twitter. Et sur Facebook, nous avons notre page sur laquelle, il y a plein d'amateurs de hockey comme vous. Des gens qui connaissent ça, qui aiment discuter et argumenter dans le respect qui y sont. Donc, venez rejoindre la belle communauté de la POC. Sinon, moi, personnellement, je vais gagner sur Facebook. Ajoutez-moi, faites juste mentionner. Hey, je veux jouer de hockey avec toi, puis je vais t'accepter. Bye bye tout le monde. Merci encore, Vandal. Merci beaucoup, salut. Salut là, bye. Bring your sister over here, let her dance with me just for the hell of it.